Tu veux m'aider à compter, non, je suis désolée. Tu fais du bla bla bla sur les réseaux. Mais t'es à découvert, tu vas testo. Dès qu'arrive la question, tu te vaisseau. Ferrari, lunettes noires, je suis dans le vaisseau. Oh oh. Toute l'équipe me pousse. Trop de billes et j'ai mal au pouce. Wesh, l'équipe, quoi de neuf? J'ai la placard, la vie est douce. Monsieur l'argent, oui, je connais bien mes droits. Madame misère ne me reconnaît pas. Palace ou villa, dur de choisir des fois. Y'a que les billets que je sers dans mes bras. Et les liens dans le sac pour la monnaie. La synopse à côté, ouais, tu connais. J'ai 5000 bodyguards à mes côtés. Première classe, jet privé, j'suis abonné. Oh oh. Trop de billets mais pas assez d'élastique. Pour ranger mes liasses, bah ouais ça m'agace. J'en ai jamais assez. Moi faut pas me parler de ma de techo. J'veux la belle vie, pas la classico. J'braque le game, c'est comme au classico. La valise est remplie, j'me barre à Mexico. Toute l'équipe me pousse. Trop de billets, j'ai mal au pouce. Wesh l'équipe, quoi de neuf? J'ai la placard, la vie est douce. Monsieur l'argent, oui, je connais bien mes droits. Madame misère ne me reconnaît pas. Palace ou villa, dur de choisir des fois. Y'a que les billets que je sers dans mes bras. Et les liasses dans le sac pour la monnaie. La synox à côté, ouais, tu connais. J'ai 5000 bodyguards à mes côtés. Première classe, jet privé, je suis abonné. Oh oh. J'braque le game, j'ai des millions. Tout me prend l'air, j'veux des millions. Fuck le SMIC, pas de minimum. L'argent, ça